Cascaroy, Rolex présidentiel. Pour des quiches comme ça, j'ai vu des nines devenir cruelles. Je maîtrise l'essentiel, je la fais swipe up au 7ème ciel. Elle est trop belle au naturel, elle est pas superficielle. Je suis trop rapide, je la rattrape sur la voie rapide. MTT, un petit charo, t'as les ajouts rapides. Je suis trop rapide, je la rattrape sur la voie rapide. MTT, un petit charo, t'as les ajouts rapides. Que de la cali, le cerveau, il fume, je job, sors plus, j'étouffe gros. J'étouffe gros. Je raconte ma vie, ce qui se passe, les joies, les peines, les bons, les poutos. Les poutos. J'suis bon qu'à faire du sale, à remplir des salles. Y'a du monde, mais j'suis seul. Tu veux mon bien, ouais, c'est ça. En ce moment, c'est bandit. J'ai que de la peu, j'ai plus de cheat. On fait danser ta petite. Elle a le cœur qui palpite. Comme full de PC classique. Joule, joule, joule, c'est magique. Paralysé sous statique. T'as le cerveau qui te fait des peurs. Acteur, menteur, jacteur, bandeur. Y'a que des suceurs. Ils entendent le moteur, ils ont peur. Tu meurs, qui peut le faire à part nous? On a tous les sous, les joujoux. Quelques frangins à morjou. Des bijoux que pour les grands jours. Ok, comment ça se fait qu'ils parlent mal de moi devant toi? Tu dis que tu m'aimes que sous commission rogatoire. Faudrait que tu t'aises, j'entends que t'aimes faire de la balançoire. En soi, je m'en bats les couilles, boulettes sur ma chemise en soi. Chapeau de paille sur la côte en style. J'ai pris deux tiges, un en plus au cas où. J'ai fourni des tailles quantités et j'ai pris du galon. Elle veut pas sortir de la cité, elle veut pas arrêter les ballons. Elle fait chier, elle est pompée l'ombre, la peine est tombée l'ombre. Bonne sans pitié, elle est pompée l'ombre. Sur le tableau de bord, même à pied, on a fait des bornes. Demi-tour, la gachi est bonne. Bonne, bonne, bonne. Sous le soleil, j'ai mes hublots. Du kérosène dans le turbo. Fais l'oseille beaucoup plus tôt. À Marseille, la ville est au plus haut. Vérifie tous les angles morts. Car tu roules dans les quartiers nord. Les méfaites pour les disques d'or. D'or, d'or, d'or. On m'appelle pour un big show. Sur le yacht, y'a des bimbos. Verre de champagne en cristaux. Pas de garde du corps à la Kimbo. Seul, mais je suis pas tout seul. De bonne humeur, j'arrive en douceur. Si t'es bourré, ne viens pas me taire. Merco, ça finit tard pour les histoires très tard. Y'a la guitare, tapis, j'm'arrache, ma race. C'est la perdasse, elle veut Hermès, terrasse. Audi RS, c'est un sac d'os. Tu parles trop quand j'ai pété. Un verre trop, tu vas regretter. Dans le rétro, je les vois me guetter. J'ai fait des euros, y'a ça, y'faut plus t'inquiéter. Et me raconte pas qui a fait ci, qui a fait ça. Même si moi j't'apprécie, parle pas tout ça. Marseille, ouais, faut tout prendre avant tout perdre. Goodbye, j'dors à Dubaï, gros tout doubain. Fallait bon, fallait beau, c'est fils ça. Unia, j'ai trop cédé de pourcent. C'est pas grave, moi j'les aimais pourtant. On se retourne si on se croit, ça c'est sûr. J'm'évade quand j'fais bénéf au max. En zoom, zoom, c'est moi sur le démax. J'm'habitue, j'ai mal, mais j'avance. J'm'habitue, j'ai mal, mais j'avance. Quand on y est, faut toujours en découdre et pas lâcher le morceau. Oubliez, oubliez, oubliez moi le jour où je claque la porte. Parole, encore des paroles. J'ai que me vider comme ça, j'ai jamais parlé dehors. Non, non, non, non. Chapeau de paille sur la côte en style. J'ai pris deux tiges en plus au cas où. J'ai fourni des tailles quantités et j'ai pris du galon. Elle veut pas sortir de la cité, elle veut pas arrêter les ballons. Elle fait chier, elle est pompée l'homme, la peine est tombée l'homme. Elle est pompée l'op, pompée, pompée. J'partais en bandit, ma petite. A la base, j'avais les mains dans le shit. T'as fait la CRS8. J'fonce devant la casse, elle en avait 8. Crape le soumoula, t'es jet ski, la playa. Trouve tes pieds, la paye tout droit. C'est Marseille, Jonquera. Minus sur la Rora. Gros mélange de bobo. T'as qu'à dire, me trouve pas. Attends, j'te gâche, j'te gâche, bonito. J'suis dans Bendo, Bendo. Mais rentre pas dans le détail. J'suis dans Paris, j'suis dans Tello. Négro, on fait tourner le pétard. C'est la guerre. Représenter toute la caille et toute l'année. Me retrouver sur la paille, plus jamais. Pour la terre, j'vais monter. J'ai même plus besoin de peinard. C'est la heure, c'est la vraie. Ah, et ça m'était mal. Souvent Matrix est peiné. J'vois plus les choses comme avant. Peut-être qu'hier, oui, on s'aimait. Mais là, c'est plus comme avant. Chapeau de paille sur la côte en style. J'ai pris deux tiges, pas en plus au cas où. J'ai fourni des tailles quantité.